Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec Louisa. Bonjour, Louisa. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es venue ici pour nous parler, entre autres, de cette campagne. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, tu peux nous parler de comment ça a commencé, cette idée de campagne, qu'est-ce que c'est exactement? Parfait. Il y a comme trois éléments, plus ou moins, que je voulais aborder. Puis, je vais essayer de m'expliquer. C'est un peu compliqué, mais disons que l'objectif ici, c'est de reconnaître que la majorité des politiques antiterroristes qui ont touché les pays impérialistes, notamment les pays qui font partie du Commonwealth, là, du Commonwealth, que c'est des politiques qui sont mises en place pour justifier la répression politique et que parmi les cibles principaux sont des militants et des organisations qui luttent pour la souveraineté des peuples et pour la libération nationale. Ça, c'est un peu l'objectif de la campagne de mettre en lumière et démasquer l'État canadien, entre autres. Pour ce genre d'utiliser le mot chargé comme terrorisme pour vraiment justifier une façon de mater des mouvements de gauche. Bon, c'est ça. Ça, c'est comme l'idée. Alors, pour commencer, il faut un peu parler de l'organisation dont je fais partie, qui est le Mouvement pour la souveraineté des 32 comtés, une des organisations dont je fais partie, qui est le Mouvement pour la souveraineté des 32 comtés de l'Irlande. C'est une organisation qui a été fondée après que les accords du Vendredi Saint ont été signés en Irlande. Alors, ça, c'est dans les années 80, je pense que c'était 98 ou 17. C'était comme le projet de Bill Clinton, là, comme « Ah ouais, en Irlande, on veut signer des accords de paix comme ça, il va y avoir de la paix en Irlande. » Il y a beaucoup de personnes qui sont pas au courant de... Peut-être les personnes qui écoutent l'émission en ce moment le seront un petit peu plus, mais beaucoup de personnes sont comme pas au courant de l'histoire de colonisation qui date de 800 ans en Irlande. Puis, je dis toujours, est-ce que vous avez jamais comme pris le verre à un bar qui s'appelle un Irish Car Bomb? Puis ça, c'est comme, tu sais, il y a comme plein d'alcool irlandais. Alors ça, c'est par rapport à une lutte sanglante qui a duré, comme j'ai dit, 800 ans contre la colonisation de l'Irlande. C'était le projet britannique, c'était un des projets, c'était comme le laboratoire de colonisation. L'Irlande était pour la Grande-Bretagne qui a fini par reproduire plein de choses ailleurs dans le monde par la suite, après avoir expérimenté en Irlande. Alors, tout ça pour dire il y a 6 comtés dans le nord, entre guillemets le nord, de l'Irlande, qui sont vraiment sous occupation de la Grande-Bretagne. Alors la partition du pays a eu lieu dans les années 1920. Puis, depuis ce temps-là, il y a une lutte pour réunification du pays, mais pas à n'importe quel prix, vraiment dans la vision de la souveraineté de l'Irlande et de dire que les ressources et tout, dans le fond, l'Irlande, ça devrait appartenir au peuple. Alors, la création d'une république où l'appartenance à la nation sera pas désignée par la famille ou l'ethnie ou le sang qui coule dans tes veines, mais plutôt par la volonté de participer dans la nation et la volonté et la capacité de suivre les règles collectives qu'on s'est dotées. Alors, c'est ça l'idée d'une république. C'est que c'est pour tous et toutes tant qu'on puisse travailler ensemble puis respecter les règles du bien commun. Ça, c'est l'objectif de créer cette république-là. Puis, quand que les accords du Vendredi Saint ont été signés, cet objectif-là a disparu, dans le fond. C'était signé par un parti politique qui s'appelle Sinn Féin, et notre organisation a sorti de là. Alors, je sais que c'est un peu bizarre que je donne plein d'histoires, mais ça va devenir clair bientôt. Dans le fond, notre organisation faisait partie de Sinn Féin, parti politique en Irlande, puis il y avait un comité qui a été créé à l'intérieur de Sinn Féin pour dire nous avons comme peur des négociations qui se font en ce moment avec la Grande-Bretagne. C'était un comité pour la souveraineté des 32 comtés. Puis finalement, ce comité-là s'est fait expulser, puis Sinn Féin a signé des accords de paix. Puis ce comité-là est devenu une organisation dont je fais partie. Alors, à partir du moment que les accords de paix ont été signés, notre groupe qui s'appelle le Mouvement pour la souveraineté des 30 comtés de l'Irlande, on a déposé une application à l'ONU, aux Nations Unies, pour dire nous sommes comme nous pensons que ça va à l'encontre de droit international que ces accords de paix soient en place là, parce que en tout cas ça brime la souveraineté. À partir de ce moment-là, notre organisation est allée et est devenue terroriste selon les États-Unis. Alors à partir de ce moment-là, notre organisation a été mise sur la liste terroriste aux États-Unis. Pas au Canada, pas en Irlande, non plus dans la Grande-Bretagne. Bon. Si tu regardes sur le site web de la liste terroriste aux États-Unis, ils vont dire « ce groupe-là est un groupe armé ». Alors, juste pour être clair, pour le monde qui peut-être connaisse un peu cette dynamique, l'organisation est une organisation politique. Puis, un des principes que nous soutenons comme étant un principe politique, c'est le principe d'un peuple de se défendre par les moyens que ce peuple-là choisit. Alors, c'est-à-dire que nous soutenons le principe que le monde puisse prendre des armes si le peuple se juge que c'est ça qu'ils veulent pour défendre leur souveraineté. Et dans ce sens-là, une armée républicaine qui lutte pour la souveraineté de l'Irlande sera soutenue en principe politique par notre organisation. Mais notre organisation n'est pas un groupe armé. On est une organisation politique et on n'est pas un groupe armé. Dans le fond, on n'est pas un parti politique non plus, mais c'est ça. Bon. Alors, depuis ce moment-là, on a été mis sur la liste terroriste. Bon. Alors, à partir de 1998, mais je voulais passer à autre chose. Alors, c'est ça, tu sais, on essaie de vraiment lutter pour des enjeux de progressistes qu'on pense qui sont vraiment de base, comme des droits humains, des droits pour LGBTQIA. On lutte pour le droit des personnes avec des capacités différentes. On lutte pour contre la pauvreté, pour les logements sociaux, etc. Mais tout ça, on reconnaît que la racine du problème, c'est l'impérialisme britannique, la colonisation, c'est la racine qui découle. Nos problèmes sociaux viennent de là. Bon. Alors, moi, en tant que personne qui habite ici au Canada, la raison pour laquelle je m'implique là-dedans, c'est parce que ce groupe-là soutient également la lutte pour la souveraineté des peuples autour du monde, y inclut les peuples autochtones ici au Canada. Alors, souvent, le monde, ils sont vraiment découragés par l'état de la situation ici au Canada. Puis c'est une façon que le monde, il commence à... On pourrait en parler. Je trouve là que, en pratique, à force de travailler avec le groupe, on a vraiment pu parler de souveraineté autochtone à travers la lutte en solidarité avec la souveraineté irlandaise. Bon, alors... La raison pour laquelle on veut que notre groupe soit enlevé de la liste terroriste aux États-Unis, mais normalement, ça devrait pas nous toucher puisqu'on n'est pas aux États-Unis. Mais surprise, le Canada travaille main en main avec les agences d'intelligence britanniques et américaines. Puis, je suis aussi pour parler, c'est pas juste des concepts, il y a des conséquences très graves là, sur des personnes. Alors, il y a eu des personnes en Irlande qui sont mortes. Il y a eu des personnes qui ont été à travers des espions, puis des efforts des agences d'intelligence qui ont été par la suite, comme il y a eu des massacres après que notre groupe a dénoncé l'accord de paix qui a été signé. Il y a du monde qui ont été attaqués, puis par la suite, 20 ans plus tard, on apprend que c'était en collaboration avec des agences de sécurité et d'intelligence. Alors, quasiment tous nos membres, il y a trois membres qui ont essayé de rentrer au Canada, Francis Mackey, Peter Fitzgerald et Martin Rafferty, qui ont essayé de rentrer. Ils ont été mis directement en prison, interdits de rentrer au Canada. Pourtant, c'est pas des terroristes au Canada. Pourtant, il y a pas de problème. Normalement, on devrait pas. Pourquoi on les criminalise? Et ça, c'est il y a quelques années. Je pense que c'était 2015. Alors, c'est ça. Moi, je suis ici aussi pour parler d'un camarade à nous qui s'appelle Julian Ecom, qui a été ciblé pour ses activités politiques ici au Canada. C'est un grand militant de l'organisation, puis ici au Canada également, ou ce qu'on connaît comme Canada, là. c'est ça. Après, cette personne-là a été ciblée par plusieurs... par l'intelligence canadienne pour les activités militantes en anticipation au G20. Alors déjà, il y a eu un effort de surveiller et faire un profil psychologique sur Julian. Alors, on savait à travers la répression politique qui est venue avec le G20 que l'intelligence canadienne était vraiment... intéressé aux activités politiques de Julian. Mais ce qui était intéressant pour nous, c'est que quand que Julian... Alors, c'était en 2015, là, je vais m'assurer que j'ai les bonnes dates, que Julian était en train de partir de l'Irlande. Puis c'était Homeland Security qui l'ont arrêté, puis qui l'ont détenu dans la détention administrative, c'est-à-dire pas le droit d'un avocat, pas le droit de savoir pourquoi que t'es là. Tu peux être gardé là indéfiniment. Et après avoir été, dans une séance de questions qui finissait pas, finalement l'intelligence Homeland Security a dit à la police en Irlande du Sud, prends Julian, on veut rien savoir de lui, ça marche pas. Cette personne ne veut pas nous répondre. Alors, Julian a été... En tout cas, on a réussi à la ramener ici, au Canada. Puis, à partir de ce moment-là, chaque fois que Julian volait, peu importe si c'était à la frontière canadienne ou si c'était... en transit vers les États-Unis, il fallait avoir une questioning, genre une séance de... Interrogation sans avocat. Ça s'est arrivé, je pense, 3 ou 4 fois. Une fois en allant en Brésil, une fois vers Cuba, etc. Puis une autre fois puis aussi détenu là. Alors la deuxième fois après 2015 que Julian est retourné en Irlande, cette personne a été détenue pour je pense plusieurs semaines. Puis il faut comprendre que Julian prend des médicaments, puis pendant sa détention a été nié ses médicaments. Puis surtout pour des personnes qui vivent avec douleurs chroniques, ça peut avoir des conséquences très graves. Alors quand c'est des gardiens ou comme qu'on dit des screws qui empêchent le monde d'avoir leurs propres médicaments, puis qui leur montrent non seulement c'est la douleur chronique qui embarque, mais c'est le sevrage. C'est une forme de torture. Alors ça, c'est comme une des formes de torture que Julian a subi par le genre de criminalisation des activités politiques. Depuis ce temps-là, Julian s'est toujours dit « Je vais jamais devenir accro sur quelconque médicament. » Puis ça, si vous connaissez un peu les enjeux sur la douleur chronique, c'est inévitable. Alors, il y a pas de médicament pour la douleur chronique qui n'a pas des qui va pas créer une dépendance. C'est tôt ou tard tu vas devenir dépendant. Alors, c'est vraiment plus une question de gestion de dépendance pour qui que ce soit qui a douleur chronique. Alors, Julian s'est dit, je veux pas donner des screws, le potentiel de contrôler ma vie comme ça, il m'a torturé. Je vais toujours gérer mes médicaments comme que le meilleur que je peux. Alors, ce qu'on trouvait l'année passée, c'est que quand que Julian allait à la pharmacie pour des médicaments, la pharmacie disait « Ah, on n'a pas des médicaments pour toi, on n'a pas des médicaments pour toi. » Puis Julian disait « Ah, ça doit être les médecins qui sont incompétents. » Tu sais, parfois, on s'entend que les médecins ne sont pas toujours... C'est pas tous les médecins, là. Désolé pour s'il y a des médecins qui écoutent. C'est pas tous les médecins, mais parfois, ça arrive là que le système de santé, disons, peut être un peu inefficace. Alors là, Julian Eda, ça doit le système de santé. Puis par la suite, on a appris que c'est à travers des pharmaciens qui sont sympathisants qui soutiennent les luttes politiques qu'on fait, qui ont dit non, c'est la police qui nous a interdit de vous donner des médicaments. Alors là, on s'est dit la police interdit accès à des médicaments qui antidouleurs. Bon, c'est comme une autre forme de torture finalement. Alors on savait pas exactement comment, mais on s'est dit, bon, c'est très curieux. Puis Julien a dit, non, je veux pas que quelqu'un puisse, l'État puisse me contrôler encore, me torturer encore. Alors, en même temps qu'on a appris que c'est à travers... Bon, Harper a crié, je sais que c'est compliqué, je m'excuse là, d'avance, mais c'est important à comprendre que puisque un militant devient un criminel et qu'un militant qui prend des médicaments devient un criminalisé doublement parce que les personnes qui prennent des médicaments, des narcotiques et juste des drogues en général sont criminalisées. Alors, il y a une liste qui s'appelle la liste narcotique. Puis ça, c'est pour les personnes qui ont qui sont prescrits des médicaments narcotiques, mais qui les utilisent pour, entre guillemets, des raisons criminelles. Alors, disons, on prend une prescription puis on le vend sur la rue. Là, tu seras, si jamais tu te fais pogner, tu pourrais être mis sur la liste narcotique. Julien, puisque c'est un militant égal criminel, un criminel qui prend des médicaments, ben là, on peut le mettre sur la liste narcotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la police peut effectivement intervenir pour interdire accès à des médicaments. Ça, c'est une invention de Harper, là, la liste narcotique. C'était en même temps que la loi C-51, la loi antiterroriste. Ça a été écrit en même temps. Puis, je sais pas combien de temps que j'ai, mais disons que Julien a décidé je veux plus que l'État puisse contrôler ma vie. Alors, Julien a arrêté les antidouleurs à base opioïde. Puis a décidé de prendre d'autres médicaments. Ben au début c'était comme je vais pas prendre de médicaments du tout. Puis la douleur chronique peut causer des maladies comme la fibromyalgie. Puis ce qu'on savait pas c'est que ça peut également créer des conditions de cardiaque. Là. Alors maintenant ce qui est arrivé c'est à travers douleurs non traitées assez graves. Julien a développé une condition qui s'appelle left ventricle hypertrophy, que je sais pas comment dire en français. Puis ça, c'est ça cause des crises cardiaques. Bref, ça cause des crises cardiaques. Alors là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas juste des médicaments antidouleurs que l'État est en train de nier à Julien. Tout récemment, je pense que c'était comme il y a 4 jours. C'est également des médicaments de cardiaques, là, qui ont rien à voir avec la douleur qui sont niés à Julien. Puis tout ça... parce que Julien est sur une liste terroriste aux États-Unis. Alors là, même si tu crois que l'État canadien est un État légal, que c'est pas, c'est un État illégal, mais même si on... disons que l'État canadien est un État souverain et pas illégal, même à ça, si c'était vrai, pourquoi est-ce que le Canada court à, pourquoi est-ce que le Canada met en place des lois d'un autre pays souverain sur le sol qui s'applique pas à son territoire. Pourquoi est-ce que le Canada applique les lois d'un autre pays sur son territoire? Ça, c'est vraiment le Canada qui joue chien de garde genre pour les États-Unis. Mais non seulement ça, c'est comme si les deux États ont un intérêt à persécuter cette personne-là. Puis après ça, dire « Ah, mais si jamais il y a une crise cardiaque, mais c'est parce que cette personne-là était un addict ou c'est parce que cette personne-là avait pas assez de médicaments. » Alors, c'est comme une façon d'attaquer et torturer. C'est une méthode de torture créée par l'État. Pour éviter de prendre responsabilité, ça sera vraiment facile de dire « Ah ouais, mais c'est juste parce que t'as manqué ta dose. » Tu sais, c'est pas parce que la pharmacie a interdit l'accès aux médicaments puisque cette personne est criminalisée. Alors, depuis septembre, Julien a eu 8 crises cardiaques puis 2 CV, attaque CV, là, stroke, là. CV. Ouais, c'est bon, merci. Accident cérébrovasculaire. Ouais, c'est ça, merci. Alors, en tout cas, il y a d'autres détails, mais disons que c'est un exemple de comment les politiques antiterroristes ont des conséquences très graves sur des personnes, là, puis nous, on lutte pour l'enlèvement. C'est une question de vie et mort pour nous autres, là, alors c'est sûr que on veut que le mouvement pour la souveraineté des 32 comtés soit enlevé de la liste. On veut que Julien soit enlevé de la liste. Mais également, on le sait que le militaire canadien, ça fait longtemps qui surveille les peuples autochtones dans une optique d'antiterrorisme, tout comme plus récemment, là, les autochtones ont été toujours perçus comme menace numéro un là, pour l'État canadien, mais ou l'Empire canadien, mais c'est également comme tout récemment, on a vu des militants écologistes, là, des éco-terroristes, qu'on dit maintenant. Et c'est tellement chargé, le mot terrorisme, c'est tellement chargé. On était en train de sensibiliser le monde dans le marché Jean Talon, genre, il y a deux jours, puis genre, le monde, ça leur fait un froid, genre, le monde, ils ont peur, là, quand que tu dis, non, non, mais c'est parce que notre groupe, on est juste sur une liste terroriste au monde. C'est comme le monde dit ça, comme, mais vous êtes qui? Vous êtes des monstres? À quel point on doit vraiment démasquer? Il y a un gros travail de démasquer l'État canadien, puis entre militants, peut-être qu'on prend pour acquis qu'on le sait que c'est une excuse pour réprimer la résistance contre les politiques coloniaux et capitalistes, mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail de démasquer l'État canadien et toutes les politiques anti-terreur, que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente que j'ai eu l'opportunité de commencer ce travail-là. Merci énormément, Christian. Ah, c'est vraiment, vraiment cool. La liste fait pas plaisir, mais de te recevoir fait plaisir. Ouais, merci, merci. Moi aussi, j'aurais aimé ça, ne pas devoir parler de ça, que ça existe pas dans le fond. Mais non, c'est ça. Puis on a beaucoup d'alliés, par exemple. Une chose à penser, c'est comme tous les migrants qui viennent ici pour chercher une meilleure vie après que les pays impérialistes ont comme massacré leur économie. Alors, les migrants qui viennent ici qui ont beaucoup, beaucoup de problèmes à immigrer parce qu'il y a tellement de obstacles mis en place pour vérifier que cette personne-là n'est pas un terroriste. Alors, tout le processus ardueux de immigration est super coûteux, qui est justifié à travers la peur des terroristes. Ou, par exemple, les guerres qu'on fait contre les enfants et les femmes et les civils dans le monde, au nom de la guerre contre le terrorisme. Il y a tellement de personnes qui ont à gagner à ça. Sur la liste terroriste au Canada, c'est important à noter que le Front populaire pour la libération de la Palestine, c'est ça, et là-dessus, et plusieurs groupes qui luttent pour la libération nationale sont sur le groupe, sur la liste terroriste au Canada. Alors nous, on a vraiment l'intention de monter un front uni, là. Puis de dire c'est parce qu'on veut pas s'asseoir puis dire ce groupe-là est groupe terroriste, ce groupe-là est correct. Nous, on veut le gouvernement canadien est un État illégal qui a aucune position morale, politique de désigner d'autres groupes comme étant des groupes terroristes. Alors nous, on veut que la liste soit éliminée. On veut plus de liste terroriste. Mm-hmm. C'est ça l'objectif à long terme. Court terme, c'est enlever Julian puis le mouvement pour les 30, pour la souveraineté des 30 comtés de l'Irlande de la liste. Mais à long terme, on reconnaît pas la légitimité de l'État canadien à désigner qui que ce soit comme un groupe terroriste. On reconnaît même pas la légitimité de l'État canadien en tant que tel. Voilà.